Sur la rue, il faut qu'on s'interroge. Jeune prix à la gorge, Porsche, plein de l'as cartorché par la merde et l'archigadio. Là où le manque de moyens ronge, ne pas finir boche. Forge notre attitude, lâcher la vision de la vie hors jeu. Fais tout pour éviter le chemin de mort. Au premier rang des accusés, mais du jugement par jour. Pareil qu'on est des animaux, mais pas investis dans l'arche. Marche ou crève, c'est l'adjectif sauvage qui plaît. Pulsion destructrice, un des acquis pour changer le sort. Après, on prend ça comme un jeu, les chiffres, le score. L'équipe t'escorte, t'en perpétue l'admiration de celui qui sèche. Saison toute sèche, vaut mieux un con qui sait que dit qu'on qui cherche à chaque merde. Il croit que c'est nous, puis brasse les sous, les embrouilles avec les flics, ça frappe, c'est tout. Pareil qu'on est fou, tout ça c'est à chier. Et vive à l'anarchie, tu sais revendre de l'énergie à mes potes, mais pas le shit. Et à part les textes, sport, sexe, les films à la Scorsese. Au port, c'est sec, la ville est trop morte, ou alors c'est que une grosse prison se cache sous le nom de Marseille. Et toutes les grandes villes de France incarcérées. Des accusations hardcore, des injures fortes, mais non, on appelle un chien, un homme. Autant dans le béton que Venom, bonhomme, autonome, sonne, menhomme, reste involontairement économe, bonhomme. Ça va en gros et tout, toi, c'est la merde partout, et on reproche rien, si reviennent les mêmes thèmes. Pourtant, on met des villes dingues, nos villes craignent, alors on traîne pour oublier nos peines. Ouais, shit bière, l'air d'hier, flire en bière, cœur en guerre. Pourri à terre, but lourd, rap sincère, un clair trip nécessaire, on fait le nécessaire, du mieux que possible, cibler le charognard intime, la femme fait l'homme, l'homme veut être femme, comme si la misère nous a pas sérieux ni merde. Jeune fière, empêche l'alcool, devient dangereux, rap à auré sur le corps, mais que le corps suive, plante en trouve une planque, peine arrivée, balance vendeur camp barman, veille la cam circule, les flics tous sniffent tout toxus juste pour une dose. Rare les connaissances et cherche qu'on se casse judiciaire, bref, concorde pas ta gare pression. La pression monte, embrouille. Tant que c'est entre amis, faut pas te mêler. Tous fêlés, à force tourner un rôle, cercle fermé. Les flics filent n'importe qui. Bloc et russe vide, les abris forts. On se planque dans des bars qu'on braque l'endemain. Y'a pas de gagnant. Guette pas un tour drôle, contrôle mon rôle. Est appelé par la section 6. Sanctionne si ça sent une action mal placée. Scar et rouge, cour écrase, carré sur des traces. Ouais, ouais, pouvoir au braqueur de Brinksman. Vocabulaire zéro, j'prends le langage de rue. Si t'aimes pas, t'as qu'à la mettre en sourdine. Nous c'est casquette in gym, rime fine, je flippe. Car y'a trop longtemps que j'trim. Traqué par le mal, je flirte avec le triple 6. Sur le bitume, ou des coups de cric, heurt des crânes. C'est pas toi où tu crèves dans ce monde. On a l'impression de creuser notre propre tombe. On tremble à la vue de notre avenir. Sueur froide, corps sèche, lendemain bien incertain. Quand dans tes poches, pas un centime, on s'empêche, on s'enflamme. On cherche le bien-être, tout en contenant le mal. Et j'vois la haine naître dans l'œil de mon prochain. Quand la jalousie l'emporte sur la raison. Quand la vie de l'autre devient rêve. Au fond de lui, le mal l'emporte sur le banc. Je chiale pas, je constate. On se bat sans voir le bout du gouffre, on stagne. Et on souffre, alors on s'offre à les suffire. Pour avoir le saphir, safran. Le chauffeur est à ses côtés, sa femme. Sans fric, on sent mal. On saoule et notre esprit s'évade. Ici, c'est trop fade. On se bat de l'échelle et on se met sanglant. C'est qu'on est à bout de souffle. Gite à chaque contrôle, c'est un choc des deux mondes. Chouffe l'hexagone et tu verras si dans mes textes j'exagère. Voilà pourquoi je dois de rester un ennemi.